box le beat ma gueule. Je veux pas glorifier la street, mais j'en place une pour mes charbonneurs. Pour détailler la vie, moi et ma plume, on s'est pas levé de bonheur. Je veux dégager le flou, la routine et la flemme. Pour embraser l'arène, au gros des coups, des soucis dans la tête. J'amène vite mon ambition à l'aise. Ça devient vite une addiction, mais pour croquer dans le rap, pour les chicots de Luis Suarez. Mate un peu, ça te fera quoi, j'acte un peu, balèze. Je m'en tape un peu, se manque la peu qui vient de plus à l'est. On nous mène en bateau et je vois que la mer s'agite. Plus ça va, plus ça cogite, ça dégringole. Je vois que la merde s'achiffre. Et viens pas me dire le contraire, entouré des compères. Gros, t'as pas vu le temps qu'on perd, donc je me fous la zic en père. Flammy, pas d'illusion, éclamé tronc, tant qu'il. Le moral à moins 50 et c'est le litron tactile. Gros, leur game c'est l'océan, ils nagent, ils se butent tant qu'ils le peuvent. Mais gros, je suis garado sur un long fleuve, tranquille. Salut, comment ça va? Comment ça se passe ici? À ce qui paraît, ça tire des taffes sur de drôles de missiles. C'est pas Brooklyn ni la Sicile, mais y'a du cash, du narcissisme. Mais reste attentif, ici c'est pas Disney. Retour au kiff, mec, ça kick, ça récidive. Merde, la peine, la joie qu'on discerne, y'a pas de méthode anti-cerne. On va pas changer le monde, mais adoucir cette crise terne. Et comme mon pote le dit, bah viens qu'on dégoupille une citerne. En mode écriture, avec une scène la veille, une scène le lendemain. Marque la prod, elle était vierge la veille, chaîne le lendemain. Peu d'importance, ouais, je la prends et je la fais valser. Vas-y, pour mon son, mais si c'est lourd, la potence va casser. Souci interne, mec, alors c'est loin, j'ai grande canette. C'est médical, stapper les cervicales sur de grosses galettes. Va faire monter l'applaudimètre parce qu'on kick sa mère. On les démarre, mais en pression et mate la crise de nerfs. Rameute les troupes parce qu'on bouffe la scène. Des phases de haine et d'herbe sèche. Le mic était de suite au coup que j'assène. Roule le père, pousse la bête à sortir de l'ombre. Vas-y, bouge la tête, douce pas mec. Pyramide s'effondre en mode freestyle. Prêt à dégoupiller, j'avance en roupiller. Sans oublier, Spartiate avance avec son arme, son bouclier. Mon son, une serrure pour la forcer, viens outiller. Je viens grappiller les ondes que je stoppe le rap, vous le voudriez. Salut, comment ça va? Comment que ça se passe ici? À ce qui paraît, ça tire des taffes sur de drôles de missiles. C'est pas Brooklyn ni la Sicile, mais y'a du cash, du narcissisme. Reste attentif, ici c'est pas Disney. Retour au kiff, mec, ça kick, ça récidive. Merde, la peine, la joie qu'on discerne. Y'a pas de méthode anti-cerne. On va pas changer le monde, mais adoucir cette crise terne. Et comme mon pote le dit, bah viens qu'on dégoupille une citerne. J'trouve le temps long, donc j'discute avec ma feuille. J'préfère ça que de pousser la fonte. Mater ces bitches en talons, ouais, j'm'en fiche. Gros, nous taffons. Couplé en friche, les pitres font du chiffre. Pour qu'elles méritent, ils ont pas gardé le pantalon. On a des kicks comme boulets de canon. Les boulets de garde au ballon. Donc t'en verras buter le bourbon à cause du bourdon. Le temps d'un set, le temps d'une vie pour prendre du galon. Le malsain te dira, le temps d'une fille pour se croire étalon. Coup de projecteur sur mes textes, ouais. Sortir les coinçons, l'information me débecque. Dis-moi qui est l'erreur de l'équation. Ouvrir les vannes, gros, pour ça nous coinçons du liquide au lait. Les pépins ne font naître que le fruit de ma passion. T'as voulu me battre, mais j'ai pécho le bâton. On vient saigner le béton sans béton. T'as remis du plomb sans peu pour mes bons. J'ai la texture sans piston, insistons. Les majors nous la mettent, donc laisse pas signer ton piston. Box le beat, Baka H. Kick la fricot. On t'avait dit qu'on lâcherait pas. Yeah, yeah. On t'avait dit qu'on lâcherait pas. Benmaker, juste un freestyle. 44 et ailleurs.